Metal Express avec Eric. Amateurs de hard rock, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er octobre et chaque premier lundi du mois, donc c'est le spécial Metal 80. Et ce soir, on va taper un petit peu dans les années 70. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal. Nous avons des applications Apple Store et Google Play, donc vous pouvez télécharger ces applications sur votre téléphone, tablette portable. Et puis vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Radio Heavy Metal a sa page officielle également, c'est https://radioheavymetal.site. Donc vous pouvez nous contacter sur ce lien ou bien sur la page Facebook Radio Heavy Metal ou celle de Metal Express pour ma part, pour me laisser un petit message. Je vous rappelle également que nous avons des partenariats radio. Il y a Radio Fréquence Zik, Indie Spirits et Canal Fuzz Radio. Allez, on va commencer ce Metal 80 avec Black Sabbath, ça s'appelle The Mob Rules. C'est un extrait de l'album Mob Rules sorti en 1981 avec Ronnie James Dio au chant. Et puis derrière, il y aura Van Halen avec Atomic Punk, extrait de l'album Van Halen sorti le 10 février 1978. Et puis, juste derrière Van Halen, il y aura Judas Priest avec Rock'n'Rolla. Rock'n'Rolla qui est sorti en 74. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. C'est parti pour 2 heures de Metal 80 et 70. Yeah. À l'instant, donc, c'était Judas Priest avec Rock'n'Rolla. Et puis, juste avant, on a eu Black Sabbath avec The Marvelous, extrait de l'album Marvelous sorti en 81 avec Ronnie James Dio, pardon. Et puis Van Halen avec Atomic Punk, extrait de l'album Van Halen qui est sorti en 78. Allez, voici maintenant les Allemands de Scorpion. Ça s'appelle Catch Your Man. Ce morceau est extrait de l'album Virgin Killer sorti en 76. Et puis, juste derrière, on aura Def Leppard avec Hello America. C'est parti! Voilà, donc c'était Def Leppard et l'album s'appelait Entering the Night et le morceau qu'on vient d'écouter, Hello America. Allez, maintenant on va attaquer avec Queensryche. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Gonna Get Close to You et puis on aura Manowar avec Thor. Allez, bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous, donc jusqu'à 21h. Shadows sweating on the wall. I get excited when I hear footsteps in the hall. Watching you. Salut, nous sommes Assassins de l'Allemagne et vous écoutez un Metal Express de Radio Heavy Metal 100% Metal. Voilà, c'était Manowar avec le morceau Thor's and Powerhead. Cet extrait donc de l'album Sing of the Hammer qui est sorti en 1984. Et puis, juste derrière, on a eu Queensryche avec Gonna Get Close to You. Cet extrait de l'album Raid for Hunter sorti en 1986. Allez, voici maintenant Astaroth avec Died to Be Alive. Et puis, juste derrière, on aura Gravestone avec Suicide. Bonne écoute! Oh. Voilà, dans l'ordre, on a eu Asteros, un groupe italien, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Die to be Alive. C'est extrait donc d'un EP qui était sorti en 1982, qui s'appelait The Long, Loud Silence. Et puis, juste à l'instant, on a eu les Allemands de Gravestone avec Suicide, extrait de l'album Back to Attack, qui était sorti en 1985. Allez, maintenant, on va attaquer avec deux pionniers du hard rock. On va commencer avec Aerosmith, ça s'appelle Back in the Slide. C'est sorti en 1976 et juste derrière, nous aurons nos barbus de ZZ Top. Ça s'appelle Backdoor Love Affair. C'est sorti en 1971. Cet extrait donc de leur premier album. We'll be right back. Hi, this is Ondra Marek from Czech heavy metal band Roxor, and you are listening to Metal Express on Radio Heavy Metal, 100% metal. Du bien, des bonnes musiques comme ça. Donc on a eu en premier, donc j'ai même plus ma feuille du coup, alors je vais la chercher. C'était donc en premier, on a eu Ira Smith avec Back in the Saddle qui est sorti en 76, et puis à l'instant ZZ Top, nos barbus, donc Texans avec Back Love Affair, premier album sorti en 71. Allez, voici maintenant du lourd, maintenant voici Iron Maiden, ça s'appelle Sun and Steel, c'est extrait de l'album Peace of Mind, sorti en 1983, et puis derrière on aura nos Allemands de Accept avec Son of the Beach. Allez, bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous donc pour vous accompagner jusqu'à 21h. The way of the warrior. right! Je rappelle donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc vous êtes dans le Metal Express et ce soir donc c'est le spécial Metal 80. En même temps on tape un peu dans les années 70 également. Donc on a eu un instant Accept avec Son of a Bitch, extrait de l'album Breaker qui est sorti en 1981. Et puis juste avant on a eu Iron Maiden avec Sun and Steel, extrait de l'album Peace of Mind qui est sorti en 1983. Allez, maintenant on va attaquer avec Monsieur Ozzy Osbourne, cet extrait de l'album Back at the Moon qui est sorti en 1983. Ça s'appelle Rock and Roll Rebels. Et puis juste derrière il y a Wasted avec Love Loaded, extrait de l'album Vites. C'est sorti en 1983 également. Thank you. revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour sa contact radio et Vimetal sur Facebook. Allez, dans l'ordre, on a eu Ozzy Osbourne avec Rock'n'Roll Rebel, extrait de l'album Bark on the Moon, sorti en 1983. Et puis, à l'instant, on a eu Wasted avec Love Loaded, extrait de l'album Vials, qui est sorti en 1983. Alors qu'arrive tout doucement Rainbow, ça s'appelle Eye of the World, extrait de l'album Down the Earth qui est sorti en 79. Et puis derrière, je vais faire une petite dédicace. Ça, c'est pour Tony Fuzz. Metallica, c'est Creeping Death, extrait de l'album Ride the Lightning qui est sorti en 1984. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal et que nous avons donc des sites. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Nous avons également la page officielle de Radio Heavy Metal. C'est https://radioheavymetal.site. Rambo. Can't shackle him down. He's not there anymore. Allez, dans l'ordre, on a eu Rambo avec Eye of the World, extrait de l'album de Down the Earth, soit sorti en 79. Et puis, à l'instant, Metallica, Creeping Death, extrait de l'album Ride the Lightning, sorti en 1984. Et ce morceau, donc, je l'ai dédié à Tony Fuzz. Tony Fuzz, qui est le boss de Radio Fréquence Zik. Non, j'ai une grosse bêtise. C'est pas Radio Fréquence Zik, c'est Canal Fuzz Radio. Pardon, Tony. En attendant, voici Tank, ça s'appelle This Man's War, c'est en live, c'est excellent, vous allez voir un groupe anglais. Et puis derrière, on aura Armor and Scent, ça s'appelle Isolation, bonne écoute! Hi, this is Assassin from Germany, and you're listening to Metal Express on Radio Heavy Metal 100% Metal. Thank you. Allez, dans l'ordre, on a eu Tank avec Tisman War, extrait de l'album Tisman War également, qui est sorti en 1983. Et puis à l'instant, Amaranthine avec Isolation, extrait de l'album Raising Fear, sorti en 1987. Je vous annonce que à partir de tout, enfin je dis à partir, très bientôt d'ailleurs, tous les jeudis de 18h à 20h, vous retrouverez donc Céline pour une nouvelle émission, Rock on Girls. Et puis, vous retrouverez également tous les vendredis à partir de 19h, GG pour sa chronique métal. Donc, c'est une nouveauté sur Radio Heavy Metal. Je vous rappelle également que demain soir, il y aura Jeff avec son émission Purgatoire. Donc, à ne pas manquer si vous aimez le métal des années 80. Allez, on va attaquer maintenant avec Alice Cooper. Il s'appelle ce titre Crawling. C'est extrait de l'album Constrictor qui est sorti en 1986 avec les services notamment de Kent Roberts à la guitare. Et puis ensuite, nous aurons Riot avec Sword and the Tequila qui est sorti en 1981, extrait de l'album Fire Down Under. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Voilà, donc on a eu en premier Alice Cooper avec Crawling, extrait de l'album Constrictor sorti en 1986, et puis à l'instant Riot avec A Sword and a Tequila, extrait de l'album Fire Down Under sorti en 1981. Allez, voici maintenant Bonfire. Ce morceau s'intitule American Nights, extrait de l'album Fireworks sorti en 1987, et puis derrière on aura les Anglais de Raven avec The Pack Is Back, cet extrait de l'album également The Pack Is Back qui est sorti en 1986. Allez, bonne écoute. Married. titre, on a eu Bonfire avec American Nights, extrait de l'album Fireworks, sorti en 1987, et puis à l'instant, Raven avec The Pack Is Back, extrait de l'album The Pack Is Back également, sorti en 1986. Allez, maintenant, voici les Motley Crue, ça s'appelle Keep Your Eyes on the Money. Et puis, derrière, on aura Metal Church avec Watch Children Pray. Bonne écoute. Yeah. Voilà donc le spécial Metal 80, c'est tout pour ce soir. Le prochain donc spécial Metal 80 sera le 5 novembre, donc prenez note, 5 novembre. Je vous rappelle donc que Radio Heavy Metal mettra ce podcast sur la page Facebook, également sur la page Facebook du Metal Express. L'émission sera rediffusée également sur Fréquence Zik le mercredi de 22h à minuit et le dimanche de 21h à 23h. Et puis demain soir, donc, elle sera diffusée sur Canal Fuzz Radio de 20h à 22h. N'oubliez pas donc que demain soir, c'est Jean-François Jeff, donc, pour les intimes, avec son émission Purgatoire, donc une heure de hard. Soyez au rendez-vous, c'est de 19h à 20h. N'oubliez pas, si vous voulez nous suivre sur la page Facebook, il y a Twitter et puis également Instagram. Sinon, nous avons également la page officielle Radio Heavy Metal. Vous tapez https://radioheavymetal.site et puis vous pouvez nous contacter. Il y a un lien pour ça. Ou bien vous passez par la page Facebook Radio Heavy Metal ou celle du Metal Express et puis vous nous contactez, il n'y aura aucun souci. N'oubliez pas donc, à partir du 11 octobre, tous les jeudis soirs de 18h à 20h, vous retrouverez Céline pour une nouvelle émission Rock on Girls, consacré uniquement aux nanas, et oui, bah, il en faut pour tout le monde. Et puis, vous retrouverez donc le vendredi les chroniques métal de GG. Allez, bonne soirée, à plus !